tâcher de comprendre, en lien avec les travaux d'André Charac, dont le travail joue un rôle matriciel dans le dossier, ainsi qu'en témoigne l'entretien qu'il nous a accordé. L'enjeu était de tâcher de comprendre comment un empirisme en matière de théorie de la connaissance peut être structuré par la visée d'une systématicité. À l'horizon de l'enquête, il y avait un souhait, et ce souhait était d'interroger les affirmations contemporaines de la dangerosité pour la pensée, de la mise en système. Et la démarche était de mettre en perspective de telles affirmations. On a donc tenté de réinscrire ces thèses dans une histoire des idées, dans une histoire culturelle, en dépliant les questions sur lesquelles elles ne sont que des variations nouvelles. Questions de savoir comment produire des connaissances certaines et questions de savoir comment progresser justement dans le savoir. Ce travail collectif prend son départ dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je ne vais pas le résumer dans le détail, simplement pour dire brièvement, ce texte a été abordé d'un point de vue interne, dans l'article de Marion Chautin, dans mon article. Il a aussi été analysé de manière externe, du point de vue de sa réception conceptuelle et historique. Déborah Cohen, qui n'est pas présente et qui est un des auteurs et qui s'excuse de son absence, a analysé la réception de l'approche de la notion de système de l'encyclopédie dans la perspective de l'élaboration d'une science du droit. Laurence Marie, qui préside ce matin, a effectué un travail similaire dans la perspective de l'élaboration des théories du jeu théâtral. Et Arnaud Skornicki et Diogo Sardinia ont, pour leur part, tâché d'interroger le legs méthodologique des encyclopédistes, respectivement chez Hegel et chez des auteurs contemporains comme Claude Lévi-Strauss et Ernesto Laclau. Mais il est bien évident que ce centrage sur l'encyclopédie, qui du reste ne prétend pas du tout faire le tour de la question du système dans ce texte, ce centrage ne nous a pas dispensé de faire référence à d'autres textes inscrits dans une distance critique par rapport à l'encyclopédie. Ainsi, Claudio Gaillou a travaillé sur Vico dans son article. L'ensemble de ce travail nous a permis d'aboutir à deux conclusions. Les conclusions de ce travail sont doubles. La première conclusion est la suivante. Mettre à l'index le dogmatisme de systèmes qui prétendent régler la science avant l'application effective de l'expérience, de l'entendement, pardon, aux différents objets de l'expérience, n'équivaut pas à rompre avec l'idée de système et permet même de la penser à nouveau frais en déterminant comment faire preuve de conséquences dans la pensée à partir de principes dont la solidité a été éprouvée. Ensuite, deuxième conclusion de notre travail, conclusion qu'il s'agit ici de discuter, de prolonger et elle-même de la mettre en perspective. Ensuite, cette distinction entre esprit de système et esprit systématique conserve une actualité au moins à titre méthodologique. En effet, en invitant à considérer que l'exigence rationnelle ne se satisfait pas de sa manifestation autorelative, mais se mesure à l'œuvre, cette distinction éclaire les débats contemporains sur la systématisation de la pensée et elle permet de les comprendre comme les éléments d'une enquête épistémologique qui est une enquête très ancienne et qui porte sur le rôle et le fonctionnement de la raison en philosophie. Suite à ce travail, je suis très heureuse d'ouvrir cette journée qui a pour propos de mettre en perspective ces deux conclusions, de les discuter, de les prolonger dans un espace de discussion et d'échange auquel je voudrais remercier tous les intervenants d'avoir bien voulu prendre part. Comme vous le voyez sur le programme qui a dû circuler, la journée est structurée autour de deux tables rondes et ces deux tables rondes ont un même objectif qui est d'essayer de contribuer à une réflexion sur le statut et la place à reconnaître dans le temps présent, dans les différents champs du savoir, à la forme systématique et au système considéré comme outil. Cet après-midi, nous nous intéresserons à dégager le sens de la prolifération dans les sciences du concept de système, quand on parle de système monétaire, système nerveux, système d'exploitation. Avant cela, ce matin, nous nous demanderons quelle portée accorder au geste des encyclopédistes consistant à penser des systèmes des savoirs à partir d'une métaphysique elle-même conçue comme science des principes et requalifiée comme théorie de la connaissance. Comment comprendre, quelle portée reconnaître à ce geste consistant à articuler science et métaphysique? Comment penser cette articulation entre science et métaphysique conçue comme condition d'un progrès des savoirs? Cette question se pose, ne serait-ce que parce que d'Auguste Comte à Husserl, cette articulation a été mise en cause. La pertinence de ce lien a été discutée, aussi bien du point de vue de ses fondements que du point de vue de ses résultats. D'où l'ensemble des questions de la matinée, qui sont les suivantes. Comment comprendre la progressive dissociation des interrogations métaphysiques et des savoirs positifs? Peut-on l'interpréter comme une remise en question des formes prises par la rationalité philosophique au siècle des Lumières? Et si oui, quelles en seraient les raisons? Et dernière question, les reconfigurations de la philosophie auxquelles cette dissociation donne lieu rendent-elles vaines à présent toute tentative pour penser le savoir en général et pour relier des objets et des domaines de connaissances particuliers? Donc le propos est vraiment de procéder à une mise en perspective de l'approche des savoirs à l'époque des Lumières, en tout cas à partir de l'angle d'attaque que nous avons pu délimiter dans ce dossier. Cette mise en perspective donc aura lieu dans la table ronde de ce matin, présidée par Laurence Marie. Je voudrais la remercier d'avoir accepté de jouer ce rôle. Je vous remercie les intervenants. C'est un grand honneur, c'est un grand plaisir de pouvoir débattre avec vous tous de ce travail. Je vous remercie de bien vouloir, dans la mesure du possible, respecter votre temps de parole de manière à ce que la discussion puisse s'ouvrir. Et je remercie enfin les différentes institutions qui ont eu la bonté de soutenir les jeunes chercheurs que nous sommes. Merci au CERFI, au CHSPL et à nos OFI. Bonne journée à tous.